secondaire. Je peux même pas draguer l'infirmière. Je traîne en pyjama des journées d'enfer. Plus d'alcool, pas une cigarette. Moi qui n'aime que les soirs de fête. On me donne une pilule pour passer la nuit. Mais dans mes insomnies, je suis Pierre et Fräulein, nuit de canaille, I want to hold your hand. Je vais me faire la malle de ce lit d'hôpital. Pierre et Fräulein, nuit de canaille, si jamais je trouve la sortie. À mourir pour mourir, je veux pas finir ici. Paraîtrait que j'ai le cœur fragile, la tension d'un vieillard débile. Si j'ai le cœur qui craque, c'est pour un cognac. Prise de sang, piqûre et radio, j'ai l'impression de leur faire un show. Stoubib me rappelle un imprésario. Mais dans mon scénario, je suis Pierre et Fräulein, nuit de canaille. I want to hold your hand. Je vais me faire la malle de ce lit d'hôpital. Pierre et Fräulein, nuit de canaille, si jamais je trouve la sortie. À mourir pour mourir, je veux pas finir ici. Je veux revoir ma femme, ma maison, mes copains de Dom Pérignon. Je veux revoir mon chien écrire des chansons. Je veux du Bordeaux sur la table, fumer des cigares formidables, terminer en croix au bout du repas. Je ne suis jamais malade. Pierre et Fräulein, nuit de canaille, I want to hold your hand. Je vais me faire la malle de ce lit d'hôpital. Pierre et Fräulein, nuit de canaille, si jamais je trouve la sortie. À mourir pour mourir, je veux pas finir ici.